بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Et donc la semaine dernière, on a commencé la lecture et l'explication d'un livre très important écrit par l'imam Ahmed rahimahullah, les fondements de la Sunna. La semaine dernière, on n'est pas rentré dans le vif du sujet. On a d'abord commencé à présenter l'auteur. Qui est l'imam Ahmed? Il est important que les musulmans connaissent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, connaissent qui étaient les compagnons, connaissent qui étaient les imams qui sont venus après eux, les imams de la communauté musulmane, et parmi eux, il y a l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Et donc, ô chers frères, il n'y a nul doute que la aqida, la croyance, est très importante dans notre religion. Car si la croyance n'est pas correcte, alors la religion, la pratique religieuse non plus n'est pas correcte. Et donc, il est impératif, il appartient, il est un devoir aux musulmans d'apprendre quelle est la croyance musulmane. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre wa anna hadha sirati mustaqim. Certes, ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Alors suivez-la, suivez ma voie et ne suivez pas les autres voies. Fatafarraqu bikum an sabili. Et sans quoi, donc ces autres voies vont vous diviser et vont vous éloigner de la mienne. Et donc, il est important donc que chacun, il est important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne quelle est cette voie. Quel est le sentier d'Allah? Quelle est la croyance musulmane? Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, on questionne des gens concernant les joueurs du PSG, tout le monde répond, ouais, il y a eu tel transfert, si, ça, ça, ça. Et quand on vous questionne concernant la croyance musulmane, concernant quelques détails liés à la croyance musulmane, on bégaye. C'est pas normal. Et donc il est important qu'on apprenne quelle est notre croyance. Et vous allez me dire, mais Abdelkarim, de quelle croyance tu parles? C'est quoi la croyance musulmane? On était en France, bon aujourd'hui en Martinique, mashallah, c'est vraiment en Martinique, c'est une facilité. Walhamdulillah. Certains vont me dire, on a été en France, on a vu 10 000 croyances. On se fait tirer dans tous les sens comme ça, on te dit, viens là, viens là, viens là, viens là. Tu dis, ah, je vais où? On fait comment? Tu me dis, oui Abdelkarim, ben, la communauté musulmane, elle est divisée. Comment on fait? Quelle croyance on va apprendre? On est divisé, quelle croyance on va apprendre? Et là, un, il me dit ça. Après, je vais écouter un autre qui me dit autre chose. Après, un autre qui me dit autre chose. Comment on fait? Voilà à quoi servent ces livres-là. Voilà pourquoi l'imam Ahmed rahimahullah, ainsi que les autres imams, ils ont écrit des livres afin que les générations qui allaient suivre puissent être préservées, puissent connaître quelle est la croyance authentique, quelle est la croyance que tout musulman doit avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit comme dans Sunan Abi Daoud et d'autres, certes, ma communauté va se diviser en 73 groupes. Tous dans le feu, sauf un. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons qui disent Amen, hiya ya Rasulallah, quel est ce groupe sauvé au messager d'Allah? Men kene ala mithli me ana wa ashabi. Ceux qui ont la même pratique que moi et mes compagnons. Et donc il est impératif, tu veux connaître la croyance musulmane, tu dois chercher quelle est la croyance qu'avaient le prophète et les compagnons. Tellement plus simple comme ça. C'est tellement plus simple plutôt que de passer par 10 000 chemins. Tu veux regarder directement quelle est la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiallahu anhum. Et donc, l'imam Ahmed rahimahullah, il commence ce livre. On verra donc le tout début du livre aujourd'hui. Il nous dit donc au début de ce livre « Usul sunnati indana » التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. Alors il nous dit, l'imam Ahmed rahimahullah, les fondements de la sunna chez nous, c'est le fait de s'accrocher fermement à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que le fait de les suivre et délaisser toute innovation. Et de délaisser les innovations, excusez-moi. Et que toute innovation est un égarement. Donc ça, c'est la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il commence son livre comme cela, avant même donc de rentrer dans divers sujets spécifiques. Il commence directement avec donc ce point important, le fait de s'accrocher à la sunna et le fait de s'accrocher donc à la voix des compagnons. Mais vous allez me dire, mais Abdelkarim, ici, il a dit l'imam Ahmed, les fondements de la sunna. La sunna, on a vu, là, on a prié El Maghreb. Après le Maghreb, on a prié sunna. On est d'accord? On a prié sunna. Est-ce que c'est obligatoire de faire la katine comme on a fait? Non. Et donc, est-ce que l'imam Ahmed, ici, il nous dit qu'on va voir les fondements de ce qui n'est pas obligatoire? Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Quand il nous dit les fondements de la sunna, est-ce que ça veut dire les fondements de ce qui est recommandé mais qui n'est pas obligatoire? Non, c'est pas ce qui est voulu ici. C'est pas ce qui est voulu. Le terme sunna, il a plusieurs sens. C'est pour ça que souvent je le dis, les frères, barakallahu fikoum. Et j'insiste, je veux que vous ayez l'arabe, c'est important. Vous n'allez pas tout le temps rester devant Abdul Karim, hein, tout le temps avoir besoin de vos frères. Alhamdulillah, il y a plein de livres qui sont arrivés dans la Maktaba. Il y en a une deuxième moitié qui va arriver encore, Inch'Allah. On apprend l'arabe, on profite, hein, on retourne directement aux sources. C'est magnifique. Et donc c'est important qu'on comprenne l'arabe. Et donc quand il nous dit l'imam Ahmed rahimahullah, les fondements de la sunna. La sunna, le terme sunna a plusieurs sens. Parmi les sens du terme sunna, il y a chez les savants de la jurisprudence islamique par exemple, ou les savants donc de Usul al-Fiqh plutôt, ils vont dire... La sunna, c'est ce qui n'est pas obligatoire. On avait vu dans les cours de fiqh, quand on a commencé les cours de fiqh après l'Aïcha, on a vu ce qui est obligatoire, recommandé, c'est là qu'on a le sunna. On a vu la sunna, c'est ce qui n'est pas obligatoire. C'est ce que si tu le fais, tu as la récompense. Si tu le fais pour Allah, tu as la récompense. Et si tu le délaisses, tu ne mérites pas le châtiment. C'est ça qu'on appelle sunna dans le fiqh. D'accord? Mais le terme sunna, il peut avoir aussi un autre sens. Il peut avoir le sens, c'est-à-dire la méthodologie du prophète, la voie du prophète, la voie qu'il est obligatoire de suivre, la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite que la communauté va se diviser. Il a dit à ses compagnons, « Innahu man ya'ish minkum fasayar akhtilafan kishira » Celui d'entre vous qui aura une longue vie. C'est-à-dire celui d'entre vous qui vivra après moi. Après ma mort, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Fa'alaykum bi sunnati. Alors il leur dit, alors accrochez-vous fermement à ma sunna. Ici, ma sunna, c'est accrochez-vous fermement à ma guidée. La guidée que j'avais. Accrochez-vous fermement à cela. Et aussi, c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, dans Sahih Muslim, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il parle donc de ceux qui délaissent la prière à la mosquée. Il parle de ceux qui délaissent la prière à la mosquée. Et il dit, inna hadhihi salat, inna hadhihi salawat, yunada biha. Certes, ces prières, on fait l'appel de ces prières. Alors, allez accomplir la prière dans les endroits où l'appel à la prière est fait. C'est-à-dire la mosquée. Allez accomplir les prières dans les endroits où l'appel à la prière est fait. Car certes, ces prières font inna hadhihi salawat min sunnati nabiyikum. Ces prières font partie de la sunna de votre prophète. Là, il ne veut pas dire que c'est recommandé. Il ne veut pas dire que c'est recommandé, puisque les compagnons, ils voyaient que c'est obligatoire de faire la prière à la mosquée. Et c'est pour cela qu'à la fin, Ibn Mas'ud, lorsqu'il finit ce même discours, il nous dit « La utaraktum sunnata nabiyikum ledoleltum » Il dit « Si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. » Est-ce que quelqu'un qui délaisse quelque chose qui est recommandé, quelque chose qui n'est pas obligatoire, il s'égare? Non. Et donc là, ce qui est voulu, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Ce qui est voulu, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est la sunna, c'est-à-dire la guidée du prophète. Si vous délaissez la guidée du prophète, vous allez vous égarer. Et c'est pour cela qu'il disait Il disait, les seuls qui la délaissaient à l'époque du prophète et à l'époque des compagnons, les seuls qui délaissaient la prière en groupe, c'étaient les hypocrites d'une hypocrisie connue. Ceux qui étaient connus auprès de tout le monde, que c'est eux les hypocrites. Et donc, à ce moment-là, on comprend clairement que le terme sunna ici, ça ne veut pas dire quelque chose qui est recommandé. Ça veut dire, c'est la guidée, c'est la voie obligatoire à suivre. Et c'est ce qui est voulu ici. L'imam Ahmed, quand il nous dit les fondements de la sunna, ça veut dire les fondements de la guidée du prophète. Ça veut dire les fondements de l'islam. Et c'est pour cela que Al-Barbahari, rahimahullah, il écrit un livre qui s'appelle Sharh al-Sunnah. Un livre très connu, j'espère qu'on va aussi l'étudier, Inch'Allah ta'ala. Et il dit dans son livre, fa'lam, sache, fa'lam, anna sunnata hiya al-islam. Wa anna al-islam huwa sunnah. La yakumu ahaduhuma illa bil-akha. Il nous dit, sache, que l'islam c'est la sunnah. Et que la sunnah c'est l'islam. Aucun des deux ne se tient sans l'autre. Les deux, ils vont forcément ensemble. Et donc, ici, l'imam Ahmed, quand il nous dit les fondements de la sunna, il veut nous dire les fondements de l'islam. Alors, il commence. Donc, les fondements de l'islam, chez nous, pour nous, c'est quoi les fondements de l'islam ? At-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de s'accrocher fermement à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ici il a une très belle parole. Ibn Taymiyyah, il a cité cette parole de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed qui nous dit les fondements de la sunna. Et donc c'est-à-dire les fondements des gens de la sunna. D'accord ? Puisqu'on sait que la communauté s'est divisée. On veut que cette communauté soit unie. Soit unie sur quoi ? Comme il nous a dit, Allah tabaraka wa ta'ala, « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku » Accrochez-vous tous fermement au câble d'Allah. Et ne vous divisez pas. On doit donc tous, normalement, on doit être tous unis. On doit être tous ensemble sur la même voie, comme des frères soudés. Et donc, mais on doit s'unir sur quoi? Est-ce qu'on s'unit, celui qui est plaisant, il est bien? Celui qui n'est pas plaisant, il est bien? Hein? Non. Ou alors on dit, bon, celui qui vient du gros morne, il est bien. Et celui qui ne vient pas du gros morne, il est bien. Il n'est pas bien. L'Aïssa, ça l'arrange, et d'autres, ça ne va pas les arranger. Ou alors on dit celui qui a une longue barbe, ou alors on dit celui qui fait plus de 1m75, ou alors on se base sur quoi? On doit s'unir sur quoi? On s'unit sur, donc, la charia, la législation. On s'unit sur le Coran et la Sunna, on s'unit sur l'islam. C'est sur ça qu'on doit s'unir. Et donc, il nous dit, rahimahullah, il nous dit, et donc, il apparaît donc clairement que parmi les signes des gens de la sunna, parmi leurs caractéristiques, il y a le fait qu'ils s'accrochent fermement à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, mais par contre, parmi les signes des gens de l'innovation, il y a le fait qu'ils délaissent l'accrochement à la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ibn Taymiyyah, il a pris cette parole de l'imam Ahmed, mais il l'a utilisé dans l'autre sens. Pour nous montrer, ça c'est les caractéristiques des gens de la sunna, et ça c'est les caractéristiques des gens qui ne sont pas sur la sunna. Et donc il est important, tu es sur la sunna, tu aimes la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'est obligatoire de suivre les compagnons. Obligatoire? Oui, obligatoire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et voilà pourquoi c'est important, barakallahu fikoum, comme je le dis, c'est important d'apprendre l'arabe, c'est important de lire. C'est important de lire, qu'on lise la biographie du prophète, la biographie des compagnons, radiallahu anhum. Ces gens-là, c'était eux qui étaient présents avant la division. Avant que les groupes n'arrivent, avant qu'il y ait les Khawarij, avant qu'il y ait les Rawafid, avant qu'il y ait donc Al-Qadariya et d'autres groupes, avant que les groupes n'arrivent, il y avait les compagnons. Et ensuite, les groupes sont arrivés. Et ça, c'est pas, ça, c'est la miséricorde d'Allah. Il nous a permis d'avoir une trace, des traces, comment était la communauté musulmane avant la division. Comment était la communauté musulmane avant la division? Et ça, c'est une question que souvent, quand je débat avec les chrétiens, je leur demande, comment était la communauté chrétienne avant la division? Ils ne peuvent pas répondre. Ils n'ont pas de texte qui monte jusqu'à là. Ils n'ont pas de texte. Avant la division, on n'a pas de preuve. Ils n'ont pas de preuve. Nous, Allah tabaraka wa ta'ala, nous a permis, il nous a gardé des preuves. On doit les utiliser. On doit impérativement les utiliser. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, lorsqu'on lui a parlé de Al-Qadariya. Al-Qadariya, ce sont ceux qui ont rejeté le destin. Ah, ils disent, il n'y a pas de destin, ça n'existe pas. Qadar. D'accord? Ils disent, il n'y a pas de destin, ça n'existe pas. Ils disent, Allah ne connaît pas les choses avant qu'elles arrivent. Allah ne connaît pas le futur. Allez, donc eux, c'est Al-Qadariya, donc ils rejettent le destin. D'ailleurs, on a ici en Martinique, parmi les chrétiens, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils rejettent le destin. Ils disent que le destin n'existe pas. Abdullah ibn Omar, comme dans Sahih Muslim, on est venu lui parler d'Al-Qadariya, de personnes qui ont rejeté le destin. Yakuluna innal amra unuf. Ils disent que Allah ne connaît les choses qu'après que ces choses se soient produites. Il ne les connaît pas avant. Alors, Ibn Omar, radiallahu anhum, il a répondu en disant, fais akhbirhum. Anni bari'um minhum. Wa annahum bura'a'u minni. Alors, informe-les. Informe à ces gens-là qui disent ça. Que je me désavoue d'eux. Je me désavoue d'eux. Et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Et ensuite il a dit, وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ ibn Omar. Par celui dont Abdullah ibn Omar, il jure, donc par Allah. فَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُودٍ ذَهَبًا مَا تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ. Si un d'entre eux, il dépense en aumône une quantité d'or équivalente à la montagne de Uhud, Allah n'accepterait pas de lui jusqu'à ce qu'il croit au destin. Parce que le fait de ne pas croire au destin, ça fait sortir l'islam. Et donc Abdullah ibn Omar ici, il nous montre justement un point essentiel, l'importance de ne pas dévier de cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, et ensuite Abdullah ibn Omar, il a cité un hadith très connu. Abdullah ibn Omar nous a cité ça. Et après, il nous dit, certes, j'ai entendu mon père, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dire, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, le hadith de Jibril, le hadith très connu. Le hadith de Jibril qui est venu interroger le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que l'ihsan, etc. Et donc, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il s'est basé sur ce hadith pour dire que la personne qui ne croit pas en ses principes de l'islam, la personne qui ne croit pas au destin, eh bien, elle sort de l'islam. Elle sort de l'islam. Et donc ici les compagnons, radiallahu anhum, lorsque les groupes sont arrivés, ils ont rejeté leur croyance. Ils ont rejeté leur croyance. Je vous ai parlé la dernière fois d'Ibn Abbas. Ibn Abbas, radiallahu anhum, lorsqu'il est allé débattre avec les Khawarij, ceux justement qui s'étaient rebellés contre Ali, radiallahu anhum, hein, il est allé les voir, Ibn Abbas. Et le premier argument qu'il leur a dit, c'est il leur a dit, je viens vous voir de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a parmi vous aucun d'entre eux. Les compagnons, ils sont vivants. Il n'y a parmi vous aucun d'entre eux. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Il n'y a parmi vous aucun d'entre eux. Ibn Abbas ici leur a montré un point essentiel. Attention, vous êtes en train de suivre une voie qui n'est pas la voie des compagnons du prophète. Et donc ici, l'imam Ahmed, rahimahullah, il commence son livre en nous montrant ce point essentiel, ce point important qui est qu'on doit suivre les compagnons, on doit s'accrocher à justement à leur voie et on doit les suivre. Voilà pourquoi après elle nous dit « wal-iqtida' bihim » et le fait de les suivre. Pourquoi on doit les suivre? Tout à l'heure j'ai dit que c'est obligatoire. C'est vrai, j'ai dit c'est obligatoire de les suivre. C'est pas recommandé, c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que chacun d'entre nous ici, il veut aller au paradis. Tu vas aller au paradis? Oui. Tu vas aller au paradis? Oui. Si je vous demande à chacun, vous allez tous me dire, ben oui, on va aller au paradis. Taïe, ok. Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré comment aller au paradis. Was-sabiqun al-awwalun. Min al-muhajirin wal-ansar. Wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Et il nous dit, tabaraka wa ta'ala, les prédécesseurs, les premiers, parmi les muhajiroun et parmi les ansar, c'est qui? Les muhajiroun et les ansar, c'est qui? C'est qui les muhajiroun? Ceux qui ont émigré. Ceux qui ont émigré. Et c'est qui les ansar? Ceux qui étaient déjà là-bas. D'accord? Et donc, ce sont les compagnons du prophète. Et donc il nous dit les prédécesseurs, les premiers, parmi les muhajiroun et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Radiallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Ils sont satisfaits de ce que Allah leur a accordé. Et donc tu veux qu'Allah soit satisfait de toi? Il faut que tu les suives. Il faut que tu les suives si tu veux qu'Allah soit satisfait de toi. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans un autre verset, « Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. » Celui qui fait scission du prophète, c'est-à-dire que le prophète il est dans une voie et toi tu es dans une autre voie. Et donc celui qui, il nous dit tabaraka wa ta'ala, celui qui fait scission du prophète et qui suit une autre voie que celle des croyants. Il suit une autre voie que celle des croyants. Nous allons nous détourner de lui comme il s'est détourné. Et nous allons le brûler en enfer. Et quelle mauvaise destination. Les savants nous disent, Taïb, Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il nous dit donc, il nous parle de celui qui fait scission du prophète et qui suit une autre voie que celle des croyants. Qui étaient les croyants à l'époque du prophète? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas ceux qui sont venus un tout petit peu avant nous. C'était les compagnons. Les croyants à l'époque du prophète, c'étaient les compagnons. Ce sont eux les meilleurs parmi, donc, parmi les croyants. Et celui qui se détourne d'eux, il se met dans une situation très très difficile. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit donc, il nous cite un autre passage du Coran qui montre l'importance de suivre les compagnons. Quel est ce passage? C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa tabi'a sabila man anab ilayhi. Et suit la voie de ceux qui se sont repentis et de ceux qui sont revenus vers moi. Suis la voie de ceux qui sont repentis et qui sont revenus vers moi. Tu te dis, subhanallah, mais où est-ce qu'il a cité les compagnons ici? Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, Kullu sahabati munibun ilallah. Tous les compagnons se sont repentis et sont retournés vers Allah. Tous. Et donc il est obligatoire de suivre leur voie. Leurs paroles ainsi que leurs croyances font partie des choses les plus importantes de leur voie. والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم. Et la preuve que tous les compagnons se sont repentis et sont retournés vers Allah, c'est que Allah il les a guidés. Et certes, Allah il dit وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. Et il guide vers lui celui qui se repent et qui retourne vers lui. Allah il a guidé tous les compagnons, on est d'accord. Et donc, ça veut dire que les compagnons, ils ont tous cette caractéristique, le fait de se repentir et de revenir vers Allah. Et certes, Allah, il a dit, il nous a dit de suivre ceux qui sont comme ça. Et donc, on doit suivre qui? On doit suivre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme on a dit, les compagnons, c'était eux les croyants avant l'arrivée de la, donc, des innovations et avant l'arrivée de la divergence. Et l'imam Ahmed, ici, dans ce passage, il nous dit, donc, parmi les fondements de la sunna, il y a le fait de délaisser l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit l'innovation. Il nous dit donc dans le hadith de Aïcha qui est très connu dans le Bukhari et Muslim. Il nous dit donc sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors cela est rejeté. Donc lorsque tu vas innover dans la religion d'Allah, et que tu vas adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec un acte innové, ton acte sera rejeté. Mais c'est quoi une innovation? Une innovation est taqarrub ila Allah bima lam yashra'hu. C'est le fait d'adorer Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré. C'est-à-dire que tu vas adorer Allah d'une façon qu'il n'a pas légiféré. Allah, il ne t'a jamais dit de faire ça. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Voilà pourquoi c'est important. Moi, à chaque fois que les gens se convertissent... Donc, ce jour de rajout alors. C'est un rajout, exactement. Tu as rajouté quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie. Et certes, les innovations... Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait à ses compagnons. Est-ce qu'il y avait un innovateur parmi les compagnons du prophète? Non. Donc, il n'y avait pas d'innovateur parmi les compagnons du prophète. Allah il nous a dit, radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Allah il a dit concernant les compagnons, wa kullam wa'ada Allah al-husna. Et Allah a promis à tous le paradis. À qui ça? C'est aux compagnons. Il n'y avait pas d'innovateur parmi eux. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les vendredis, ou presque tous les vendredis, lorsqu'il était sur le mimbar, Yawm al-Jumu'ah, il leur disait, certes, la parole les plus véridiques sont les paroles d'Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha. Et les pires des choses sont les inventions. Wa kullu muhdathatin bid'a, et toute invention est une innovation. Wa kullu bid'atin dalala, et toute innovation est un égarement. Wa kullu dalalatin finnar, et tout égarement mène au feu. Il disait ça alors qu'il n'y avait pas d'innovateur en face de lui. Pourquoi? Pour nous montrer que c'est dangereux. C'est quelque chose qui mène au feu. Il faut faire attention, donc ne va pas commencer. Est-ce que tu réalises ce que c'est qu'une innovation? Parfois, on réalise pas si possible. Bon, j'ai rien fait, j'ai juste fait un petit doigt comme ça, ou j'ai juste fait un petit truc. Ou... C'est bon, c'est rien. Une petite parole, c'est rien. Tayyib. L'imam Malik, rahimahullah, le grand imam Malik, celui que certains appellent l'imam des imams. Il disait à l'imam Malik, rahimahullah, celui qui prétend qu'il y a de bonnes innovations a certes prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi sa mission. Il a trahi. Pourquoi? Comment ça il a trahi? Parce que tu as deux solutions lorsque tu fais une innovation. Tu en as deux. C'est soit tu as la croyance que tu connais mieux la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit tu as la croyance que tu connais quelque chose que le prophète ne connaît pas. C'est pour ça que tu le fais. Le prophète, il n'a pas fait ça, mais moi, je sais que ça, c'est mieux. Et donc, tu vas aller faire quelque chose. On te dit, il n'a pas fait. Je sais qu'il n'a pas fait. Mais moi, je sais que ça, c'est mieux, donc je le fais. Et donc, c'est soit pour toi, tu connais mieux que lui, soit il n'a pas dit tout ce qu'il devait dire. Et donc, toi, tu es au courant de quelque chose que lui, il était au courant, mais qu'il n'a pas dit à la communauté. Et donc, c'est grave. L'imam Malik, rahimahullah, il nous montre ici la gravité de l'innovation. Donc, et en plus de ça, l'innovation, elle divise la communauté. L'innovation, elle divise la communauté. T'as des questions ? Après quel cours ? Inch'Allah. Et donc, l'innovation divise la communauté. Et donc, il est important qu'on soit unis. Parmi les fondements de notre religion, les frères, il y a le fait d'être unis. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, il nous dit Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, il vous a légiféré dans la religion ce qu'il a recommandé à Nuh et ce que nous t'avons fait à toi, révélation, et ce que nous avons recommandé à Ibrahim, Moussa et Issa. Ça veut dire que ceci, c'est un sujet, c'est pas que la communauté de Mohammed. C'est un sujet qui concerne toutes les communautés. Quel est ce sujet ? Appliquez la religion et ne vous divisez pas dans celle-ci. Ne vous divisez pas. La division, c'est quelque chose de grave. Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de nous diviser, nous a ordonné de nous unir. Voilà pourquoi il est important qu'on apprenne qu'est-ce que la sunna, afin qu'on s'unisse sur celle-ci. Parce qu'on ne va pas s'unir sur la pensée d'Abdelkarim, ou donc la pensée de notre frère Mathias, ou la pensée de Daoud, ou la pensée de Issa, ou parce qu'on est plusieurs, chacun pense d'une façon différente. Chacun a sa façon de penser. Mais alors on va s'unir sur quoi ? Sur la sunna. Parce qu'on aime tous la sunna. Il n'y a personne qui va dire non, moi j'aime pas la sunna, moi pourquoi je veux pas. Personne ne va dire ça. Personne ne va oser dire ça. Et donc on doit s'unir sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dernier point, la parole de l'imam Ahmed, on ne va pas faire trop long, inshallah ta'ala. Dernier point, donc on a donc cette parole très importante de l'imam Ahmed qui nous dit « Wa kullu bid'at fahiya dhalala » et toute innovation est un égarement. Ici, cette parole, c'est la même parole que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez me dire « Oui, mais Abdelkarim, on a entendu qu'il y a quand même de grands savants qui ont dit qu'il y a des bid'at hasana. » Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a un grand savant, par exemple, comme Al-Hafiz Al-Nawawi, l'auteur du très célèbre livre Riyad al-Salihin, ainsi que Al-Arba'in al-Nawawiya, ainsi que l'explication de Sahih Muslim. Et dans l'explication de Sahih Muslim, qui est ici, Al-Hafiz al-Nawawi, Rahimahullah, il cite donc qu'il y a des innovations. Walaykoum salam. Il cite donc qu'il y a des innovations qui, parfois, donc, peuvent être bonnes, mauvaises, etc., etc., etc. Comment on fait, nous, les musulmans, quand c'est comme ça? Comment on fait? Tu vois un très grand savant, une montagne, comme Al-Nawawi qui cite une parole, et tu vois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui cite une autre parole. Tu fais comment? Suis le prophète. Est-ce que si tu suis le prophète, ça veut dire que tu manques de respect à Nawawi? On va te dire, ah, mais c'est Nawawi quand même. Est-ce que tu connais mieux que Nawawi? Est-ce que tu es plus savant que Nawawi? Et donc tu vas me dire, non, je ne suis pas plus savant que Nawawi. Je ne prétends pas être plus savant. Mais je sais juste que Nawawi, c'est un être humain et qu'il peut se tromper. Et que El-Nawawi, il n'avait pas la révélation. Et donc il peut se tromper. De la même façon que l'imam Ahmed peut se tromper, de la même façon que l'imam Malik peut se tromper, de la même façon que l'imam Shafi'i peut se tromper, de la même façon que l'imam Abu Hanifa peut se tromper. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, il dit « Kullun yu'khad min qawlihi wa yurad ». Nous pouvons accepter la parole de tout un chacun ou de la refuser. Tout le monde, on peut accepter sa parole ou la refuser. Illa sahib hadha al-qabr, sauf celui qui est dans cette tombe. Il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul qui ne peut pas se tromper. Sinon tous les autres, il se peut qu'ils se trompent. Et donc si un savant, malgré qu'il soit grand, s'il prononce une parole qui est contraire au Coran, contraire à la sunna, on dit jazahullah khairan, il a fait un effort, etc., etc. Mais ça on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. On ne peut pas prendre. D'accord, ça c'est important ça. Et ça ne veut pas dire que tu manques de respect aux savants. Mais il faut faire prévaloir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Omar, il a repris certaines personnes concernant un sujet. Et ces personnes-là, ils ont répondu à Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar leur a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Il a interdit ça. Ils ont dit, ouais, mais Abu Bakr et Omar, ils ont dit. Alors qu'on lui parle de son père, on lui dit, ton père, il a dit. Subhanallah. Peu ne s'en faut que des pierres descendent, des pierres tombent sur vous depuis le ciel. Tellement votre parole, elle est lourde. Akulu lakum kola Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Watakuluna kola Abu Bakr ou Omar. Je vous dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit. Regardez comment un homme il parle alors qu'il est en train de parler de son père. Pourquoi? Parce que le plus important c'est la sunna. Le plus important c'est la sunna, il n'y a rien de plus important. Que tu suives la sunna si tu veux être bien guidé. Allah il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer le Coran, pour nous expliquer le Coran. Et donc il est impératif que s'il y a une divergence, s'il y a un problème, on regarde quelle est la sunna. Et donc dans ce sujet, le fait qu'il n'y ait aucune innovation qui soit correcte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, toutes les innovations sont un égarement. Ça s'arrête là. Toutes les innovations sont un égarement. Tu demandes la parole de qui tu veux en dessous, je vais te dire, le prophète il a dit. Le prophète il a dit. Et ensuite je vais te dire, il trouve-moi un seul compagnon qui nous a dit que les innovations sont bonnes. Et donc c'est important, barakallah, qu'on comprenne ce sujet. On va continuer le livre. Bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.